Bonjour francophones, welcome to French Pod America. Bonjour à tous et à toutes, je suis Amaury. This is an intermediate lesson. This lesson was actually requested by one of our users. They said, hey, everybody's talking about gas prices. That would be cool to learn how to talk about it in French. Évidemment, oui, parce que c'est une situation qui inquiète beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Yeah, it worries people, but it's also just something people are always talking about. Bien sûr. So you might have the occasion to talk about it in French. Ah, mais les moyens de se déplacer, c'est quelque chose de très important dans notre société. That's right, we gotta move around a lot, so how we're gonna do it is important. And gas sometimes comes into it. So why don't we listen in on this dialogue? We're gonna hear some people talking about le prix de l'essence. Voilà, c'est parti, on écoute le dialogue. Pouf, tu as vu le prix de l'essence? Oui, je suis allée à la station service ce matin. Ça a encore augmenté depuis la semaine passée. Maintenant, ça me coûte presque 60 euros pour faire un plein, même avec mon diesel. C'est de la folie. Je me demande jusqu'où ça va aller. Le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 100 dollars. Oui, et la dernière réunion des pays de l'OPEP n'a rien arrangé. Deux de mes collègues m'ont proposé de faire du covoiturage pour aller au travail. Je crois que je vais accepter. Moi, je n'ai pas d'autre solution pour l'instant. Mais je devrais penser à un autre moyen de transport. All right, so they're like, oh man. Tu as vu le prix de l'essence? Did the other person? Elle est allée à la station-service ce matin-là. Et elle a remarqué que ça a encore augmenté depuis la semaine passée. So, augmenté. À la station-service, le prix de l'essence. Right. And, but she said ça a encore augmenté. Parce que ça a augmenté une nouvelle fois. Encore une fois. Oui. And depuis, when? La semaine passée. La semaine passée is a cooler French way to say la semaine dernière. Exactement. Et maintenant, le résultat. This is just such a typical conversation that you hear people say, right? Yeah, for me, ça me coûte how much now? 60 euros. Presque 60 euros. Ouais. Pardon, presque, tu as raison. Okay. For what? Pour faire un plein. So the expression is... Faire un plein. What does that mean? Qui veut dire remplir le réservoir de sa voiture. Okay, so fill it up. When you're talking about a tank, you fill it plein. No, we're like plein. It's not empty, it's plein. Exactly. Right? But then he says something interesting. Même avec mon diesel. That's like a diesel engine, right? C'est ça. Because, I don't know, in America, only the like big trucks have diesel engines. But in France, cars do too. Les voitures en France fonctionnent aussi au diesel. So you get to choose between... Quand on achète la voiture, on peut choisir entre une essence. On peut dire une essence, qui veut dire une voiture qui marche à l'essence. Okay. Ou un diesel, une voiture qui marche au diesel. Okay. And it's cheaper to faire en plein with a diesel engine, right? C'est ça. Surtout avant. Maintenant, il y a moins de différence, mais avant, il y avait une grosse différence. Le diesel était moins cher. Ok, so même avec son diesel, ouais. Presque 60 euros. C'est quand même beaucoup. And she thinks so too. She thinks it's crazy. Mais oui, c'est de la folie. And it's like madness, insanity. But we a lot of times learn, c'est fou. C'est la même chose. Ok, so it's exactly the same. On peut dire les deux. C'est fou, c'est de la folie. You can say both, and then you're really not kidding encore around. Okay. Encore mieux. Ok, so then this next sentence is pretty useful. Je me demande jusqu'où ça va aller. In French, you say, I ask myself, I wonder, je me demande what? Jusqu'où ça va aller. How far this is gonna go? Until where that is going to go? Can you say the whole thing? Je me demande jusqu'où ça va aller. So here we're using it for like how far it's gonna go and the price, how high it's gonna get. But you can say it in other contexts too, right? Voilà. So for example, it's like there's two countries and they're fighting with each other. You can be like, je demande. Jusqu'où ça va aller? Yeah, like how far this is gonna go? Oui, ou bien même deux personnes qui ont un problème ensemble. Et... Yeah, like a couple or something. They're really fighting. Wow. Jusqu'où ça va aller? Yeah, like to the divorce court or what? J'espère que ce n'est pas trop grave. Okay, so now we learn how to talk about the price of a barrel of oil. Donc, le prix du baril de pétrole. So, un baril sounds pretty much the same. So, pétrole. Parce que le mot pétrole existe aussi en français. Ok, so, what about le prix du baril de pétrole? Il a franchi la barre des 100 dollars. Ok, so the expression is... Franchir la barre de. And so, it's usually followed by a number. It kind of means, you know, to go past or broke past that number. Ouais. It literally crossed the bar. Ouais, c'est une bonne explication, ça. Ok, so, it's usually followed by a number, right, here. Ouais. Ça a franchi la barre des 100 dollars. Oui. But what are some other examples you can use this? Donc, jamais une personne a pris trop de poids. OK. They ate too many desserts. Oui. Elle a franchi la barre des 100 kilos. So that's like, wow, he's really gotten past a number. So if there's a sense that there's a barrier here. Il a vraiment grossi, il a passé la barre des 100 kilos. Ok, alright, so yeah, and... Et la dernière réunion des pays de l'OPEP n'a rien arrangé. Ok, so OPEP, is how you guys say OPEC. C'est la même organisation. Because it stands for what? L'organisation des pays exportateurs de pétrole. Ok, so yeah, because we would say countries, that's where the C, ouais. Your pay is P. So mais c'est la même chose. Right, so l'OPEP de réunion n'a rien arrangé. Ouais. Which means that it really just didn't fix anything. Exactement. Ça n'a rien arrangé. Les problèmes sont toujours là. It didn't make things any better. No. So, she's like, man, I can't continue paying. Voilà, donc elle a dû penser peut-être à d'autres alternatives. Right, so what's the alternative she talked about? Deux de ses collègues lui ont proposé de faire du covoiturage pour aller au travail. First of all, let's look at the word proposer. Proposer quelque chose à quelqu'un. Tout à fait. And you know, it's obvious, propose. It's used a lot more in French than it is in English. Oui, so le verbe proposer. Yeah, propose is kind of formal in English, but in French it's... Ah non, pas du tout en français. Yeah. On sait quand on fait une offre, une proposition. Yeah, or suggestion. Voilà, exactement. Ok, so ils l'ont proposé quoi? De what? De faire du covoiturage. What is that? En fait, c'est simplement partager sa voiture avec quelqu'un pour faire un trajet. Pour aller au travail or somewhere. It means to carpool. Ouais. Ok, can you say it again? Faire du covoiturage. And, you know, she's thinking about it. Elle croit qu'elle va accepter. Évidemment, si tu partages, ça va coûter moins cher. What about him? What's his plan? Et lui, il n'a pas d'autre solution, pour l'instant. You know, maybe il n'a pas de collègue qui propose de faire du covoiturage. But... Mais il devrait penser à un autre moyen de transport. Okay, so he's gonna think it over. He says, je devrais penser, I should, I'm gonna have to. Devrais penser à un autre moyen de transport. Ouais, parce que lui, il a les mêmes problèmes, en fait. Right. Tout le monde a la même chose. Okay, why don't we listen to the dialogue again? D'accord, on y va. On écoute le dialogue ensemble. Oh, tu as vu le prix de l'essence? Oui, je suis allée à la station-service ce matin. Ça a encore augmenté depuis la semaine passée. Maintenant, ça me coûte presque 60 euros pour faire un plein, même avec mon diesel. C'est de la folie. Je me demande jusqu'où ça va aller. Le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 100 dollars. Oui, et la dernière réunion des pays de l'OPEP n'a rien arrangé. Deux de mes collègues m'ont proposé de faire du covoiturage pour aller au travail. Je crois que je vais accepter. Moi, je n'ai pas d'autre solution pour l'instant. Mais je devrais penser à un autre moyen de transport. You know, we're back. And this was a little surprising for me because I didn't realize that France was getting, and you know, Europe was experiencing the problems with le prix de l'essence. You know, like in America, we're so addicted to cars, we have to use them because everything's so far away. But I always had the impression in France, there's a lot of other moyens de transport. Non, c'est un sujet très important en France aussi pour l'instant. Ok. Parce que c'est un gros problème, les gens utilisent quand même beaucoup leur voiture. So they do, they use cars a lot in France. Bien sûr, peut-être plus d'autres moyens de transport qu'aux États-Unis, mais quand même. Ok, well, so it's really just in the big cities that people don't really have cars, but so, like where? Toutes les personnes qui habitent à la campagne, okay. Pour aller travailler, n'ont pas la possibilité de prendre un bus ou un train. So if you don't live in a big city, then you most likely have a car, you have to deal with this. Voilà, et puis même pour faire certains trajets, les Français ont quand même chacun leur voiture. Donc l'augmentation du prix de l'essence pose de gros problèmes, et maintenant on essaye de trouver des solutions. Right. So this guy is gonna do what avec ses collègues? Il va faire du covoiturage, quelque chose qui n'était pas très répandu il y a 10 ans, 5 ans. Yeah, actually, Christella was mentioning that she only just learned this word recently, and you said because it's kind of a new word. C'est vrai, moi aussi. It wasn't something that people did before. Non, mais voilà, ça, pour diminuer les coûts, c'est une solution à laquelle les gens ont pensé. Right, and it also made for the environment as well as saving money. Ce qui est une bonne chose. Okay, well, if you have any questions about this lesson, come to frenchpod.com and you can ask it. Ou bien si vous avez votre propre solution, n'hésitez pas à venir la partager avec nous. Yeah, other ideas of how you know, les moyens de transport pour aller au travail, right? Okay, well, merci. À bientôt. Au revoir.